France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Billie Holiday, un fruit étrange. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 23e épisode de cette émission d'Histoire du Jazz, le deuxième de notre feuilleton consacré à Billie Holiday, chanteuse du siècle, si l'on en croit à la une du numéro de février du mensuel Jazz Magazine, qui fait ainsi le lancement de sa nouvelle formule. Franck Bergerot y raconte les circonstances de la naissance d'une chanson qui va nous occuper cet après-midi, ce fruit étrange qui sert de sous-titre à cette émission, Strange Fruit. J'y reviens plus longuement dans quelques minutes. Mais auparavant, je vous propose de situer le décor de ce début d'année 1939. Billie Holiday n'a pas encore 24 ans, mais elle possède déjà une riche expérience, aussi bien comme chanteuse de big band qu'au sein de splendides petites formations, entourée de solistes de premier plan, le plus souvent placés sous la direction artistique du pianiste Teddy Wilson. Le choix des titres, l'appréhension du texte, l'imprégnation mélodique et l'appropriation de ce répertoire sont au cœur du projet de la chanteuse, que nous retrouvons en belle compagnie avec le trompettiste Roy Aldridge, Benny Carter au saxophone alto et bien sûr le maître d'œuvre Teddy Wilson au piano. Nous les écoutons dans une chanson de Vincent Humans, Billy Rose et Edward Illescu, More Than You Know. Nous sommes en studio à New York le 30 janvier 1939. More than you know. More than you know, man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know. Whether you're right, whether you're wrong, man of my heart, I'll string along. I need you so. There's nothing I can do about it. Loving may be all you can give, but honey, I can't live without it. Oh, how I'd sigh, how I'd cry, if you got tired and said goodbye. More than I'd show, more than you'll ever know. More Than You Know, le petit orchestre de Teddy Wilson au piano avec le trompettiste Roy Eldridge, le saxophone alto de Benny Carter et bien sûr la voix de Billie Holiday. C'était en janvier 1939. Une année charnière pour Billie puisque quelques semaines plus tard, elle va graver en studio une chanson qui va changer le sens de sa carrière, qui va changer sa vie. Une chanson qu'elle interprète déjà sur scène au Café Society dans le quartier de Greenwich Village qui était alors le repère du New York branché ancré à gauche. Cette chanson, Strange Fruit, était signée Lewis Allan, pseudonyme de Abel Meeropol, un professeur d'anglais engagé, communiste, qui avait été profondément choqué par une photographie parue dans un journal de l'Indiana en 1930, où l'on voyait une foule se presser au pied d'un arbre qui sert au lynchage de deux Noirs américains. Le texte de la chanson décrit avec beaucoup de précision et un certain sens poétique les corps suppliciés comme d'étranges fruits, l'odeur de chair brûlée qui se mêle à la senteur des magnolias avec du sang sur les feuilles, sur les racines des arbres, et puis la putréfaction des corps jusqu'à la chute. A strange and bitter crop, une étrange et amère récolte. Et sur ce dernier mot, crop, le projecteur qui éclairait le visage de Billie Holiday sur la scène du Café Society s'éteignait. Frankie Newton à la trompette, Sonny White au piano sont aux côtés de Billie Holiday le 20 avril 1939. Strange Fruit. Strange Fruit, enregistré le 20 avril 1939 par Billie Holiday avec l'orchestre du trompettiste Frankie Newton et son pianiste Sonny White. Évidemment, après cet enregistrement, rien ne sera plus comme avant pour Billie Holiday. Son mentor, John Hammond, pense qu'elle fait fausse route. Il y voit même le point de bascule vers sa déchéance jusqu'à la mort en 1959, comme le rappelle Frank Bergerow dans son article très documenté sur cet épisode de Strange Fruit dans le numéro de février de Jazz Magazine qui consacre son dossier à Billie Holiday. Et la maison Columbia refuse d'enregistrer la chanson. Billie la grave pour le petit label Commodore avec sur la face B un titre original, un blues signé par Billie elle-même, Fine and Mellow, où l'on retrouve le trompettiste Frankie Newton. Fine and Mellow, un blues signé Billie Holiday, ici en compagnie de l'orchestre de Frankie Newton. Le 20 avril 1939, c'est sans doute le début d'une nouvelle ère pour Billie, où sa manière de traiter le texte évolue vers quelque chose de plus personnel encore. On le ressent autant dans les standards qu'elle grave le même jour, toujours le 20 avril 1939, écouter son interprétation de Yesterdays de Jérôme Kern et Otto Auerbach, une version qui semble encore tout imprégnée du Strange Fruit que l'on vient d'enregistrer, même si un changement de tempo vient décontracter un petit peu l'ambiance. Sonny White est toujours aux commandes au piano, tandis que le saxophoniste ténor Kenneth Holland se fait entendre derrière la voix. Golden days. Yesterday's Billie Holiday en avril 1939 avec Sonny White au piano et Kenneth Harlan au saxophone ténor. Quelques semaines plus tard, Billie enregistre une belle mélodie sophistiquée due à son amie Irene Wilson, qui était une remarquable pianiste et qui avait été mariée quelque temps à Teddy Wilson. C'est Billie Holiday qui présente son amie Irene au parolier Arthur Herzog et il en résulte ce titre particulièrement réussi, Some Other Spring, où brille aussi aux côtés de Billie le pianiste Sonny White de nouveau et le trompettiste Charlie Shavers. Still cling to faded blossoms, fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some other spring, when twilight falls, will the night spring another to me? Not your kind, but let me find, it's not true that love is blind. Sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as ice. Love, once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring will my heart wake, stirring to sing love's magic music, then forget the old duet and love with some other spring. Some Other Spring, une très belle chanson que signaient Irene Wilson et Arthur Herzog, gravée par Billie Holiday en juillet 1939, avec Charlie Shavers à la trompette. Charlie Shavers que l'on retrouve en soliste sur un autre titre enregistré le même jour, Them Their Eyes, que l'on entend davantage comme un témoignage, comme un souvenir de la période chanteuse d'orchestre de Billie Holiday chez Count Basie ou encore chez Artie Shaw. Le tempo est plus vif, le climat est moins lourd, les solos plus enjoués, à l'image de ceux de l'altiste Tab Smith et du ténor Kenneth Harlan. You have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, no stalling, falling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, get you in a lot of trouble. Baby, damn near. I with you the first time I looked into them eyes. You have a certain way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, yes, falling, falling in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them eyes. You'd better watch out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a lot of trouble. Ah, mister, talking about those eyes. Damn the Rise, Billie Holiday, son orchestre le 5 juillet 1939, en soliste le trompettiste Charlie Shavers et les saxophonistes Tab Smith et Kenneth Holland, respectivement à l'alto et au ténor. On s'approche encore davantage du son de l'orchestre de Count Basie le 13 décembre de la même année, lorsque Billie Holiday retrouve un certain nombre de musiciens de l'orchestre. Il y a là les trompettistes Beck Clayton et Harry Edison, au saxophone Earl Warren, Jack Washington et Lester Young, et la section rythmique est constituée de Freddie Green, Walter Page et Joe Jones, respectivement guitare, contrebasse et batterie. Évidemment, Count Basie lui-même est absent au piano, c'est Joe Sullivan qui prend sa place, son accompagnateur plutôt bavard, sur cette mélodie de Cole Porter, Night and Day, dont Billie Holiday redessine les contours qu'elle trouvait difficiles à interpréter. L'autre soliste est ici le trompettiste Buck Clayton pour l'introduction. It's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. No such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you night and day, day and night. Night and Day de Cole Porter dans l'interprétation très personnelle de Billie Holiday qui s'approprie la mélodie en l'aménageant à sa guise. C'était le 13 décembre 1939 à New York. Billie était en compagnie de nombre de solistes de l'orchestre de Count Basie. France Musique. Vous écoutez All That Jazz, le deuxième épisode de notre feuilleton consacré à Billie Holiday. Nous sommes toujours en décembre 1939 et ce n'est sans doute pas faire injure à la chanteuse que de la trouver encore plus convaincante dans un autre titre enregistré au cours de la même séance, une chanson des frères Gershwin, The Man I Love. La façon dont elle s'implique dans l'interprétation des paroles, la ligne mélodique elle-même qui semble avoir été écrite pour elle et l'intervention de son très cher Lester Young en soliste au ténor, tout concourt à la beauté de cette interprétation, introduite avec une certaine gravité par le trompettiste Harry Edison. Attention, chef-d'œuvre. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Man I Love, l'orchestre de Bill Holiday avec son cher ami, son frère de cœur, le saxophoniste Lester Young en soliste. C'était en décembre 1939. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, le talent de Billy continue à donner de beaux chefs-d'œuvre dans les années qui suivent, avec bien souvent des interprétations de standards qui font date et servent encore aujourd'hui de référence. Ainsi de sa version de Body and Soul avec le formidable Roy Eldridge à la trompette. Nous sommes en février 1940. Days have grown so lonely. For you I cry, for you the only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in long. I'm wondering why it's me you're wronging. pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. That's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. An echo or tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? Tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Body and Soul, gravé le 29 février 1940 à New York par l'orchestre de Billie Holiday avec en soliste le trompettiste Roy Eldridge. La qualité de ces enregistrements est même parfois suffisamment convaincante pour que l'on hésite à trancher entre les différentes prises d'une même chanson. Alain Gerber tient ainsi, à tout le moins, deux des trois prises de All of Me du 21 mars 1941 pour des chefs-d'œuvre de la même pureté, et on ne saurait le contredire, même si l'on avoue tout de même une petite préférence pour la première prise, un peu plus concentrée que la troisième. Le solo de Lester Young s'annonçant dès la première phrase comme une magnifique profession de foi. On retrouve d'ailleurs ce côté très affirmatif dans la manière dont il accompagne la voix de Billie Holiday dans une sorte d'obbligato en tempo doublé, pour ne rien dire bien sûr du phrasé de la chanteuse et du petit bijou de solo du pianiste Eddie Haywood. I'm no good without you. is there. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, so why not take the rest? Baby, take all of me. All of Me, l'orchestre du pianiste Eddie Heywood accompagne Billie Holiday et le ténor de Lester Young le 21 mars 1941. Les amateurs et les passionnés ne manqueront pas d'aller écouter les autres prises du même titre, c'est tout à fait passionnant. De nouvelles réussites tout aussi émouvantes émaillent les autres séances de l'année 1941. On pense notamment à ce titre dont les paroles sont signées par la chanteuse God Bless the Child. Le texte est probablement inspiré par une circonstance autobiographique et la chanson deviendra par la suite un standard repris par de nombreux interprètes dans des genres très divers. Ici, dans la version Princeps du 9 mai 1941, Billie est soutenu par deux figures familières, le pianiste Eddie Heywood de nouveau et le trompettiste Roy Eldridge. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. God Bless the Child, un titre que signaient Billie Holiday et Arthur Herzog, gravé pour la première fois le 9 mai 1941 avec le trompettiste Roy Eldridge et le pianiste Eddie Heywood. Enregistrée 3 mois plus tard, la chanson Gloomy Sunday possède quant à elle une drôle d'histoire. À l'origine, il s'agit d'une chanson écrite par un Hongrois tellement mélancolique qu'elle avait la réputation de provoquer des suicides en nombre. La chanson traversa l'Atlantique et elle fut reprise par plusieurs chanteurs et chanteuses, parmi lesquels Billie Holiday, dont l'interprétation fut interdite de radio, notamment à la BBC, qui se méfiait des titres par trop déprimants. Where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Shadows, I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday. Sleep in the deep of my heart, dear. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday, sombre dimanche, Billie Holiday en août 1941, avec notamment Al Casey à la guitare et un pupitre de clarinette avec Jimmy Hamilton notamment. L'orchestre était dirigé par Teddy Wilson. L'année suivante, c'est dans un curieux contexte avec l'orchestre de Paul Whiteman que Billie Holiday livre un nouveau chef-d'œuvre. Et pourtant, elle n'a signé ni la musique, une partition du tromboniste Trummy Young arrangée par Jimmy Mundy, ni les paroles imaginées par Johnny Mercer, mais la chanson lui va comme un gant. Comme le souligne Alain Gerber, le thème de Traveling Light est celui du voyageur sans bagage, libre comme le vent, comme le trombone de Skip Layton. from now on, I'm traveling light. He said goodbye and took my heart away. So from today, Traveling Light, Billie Holiday avec l'orchestre de Paul Whiteman, c'était en juin 1942 à Los Angeles. L'année 1943, à conséquence d'une grève des enregistrements, reste vierge dans la discographie de Billie Holiday, hormis un témoignage radiophonique, mais on la retrouve sur scène au plus haut niveau en janvier 1944, puisqu'elle triomphe à New York au sein d'un concert organisé par le magazine Esquire. Et lorsqu'elle renoue avec le studio en mars 1944, Billie en profite pour peaufiner son interprétation d'une chanson qu'elle avait déjà gravée, mais de manière un peu moins satisfaisante, sans doute, I Cover the Waterfront. I cover the waterfront. I'm watching the sea with the one I love becoming. Have you? to me. I Cover the Waterfront, Billie Holiday, accompagné par l'orchestre de Eddie Heywood, le 25 mars 1944. On pourrait avec bonheur détailler la suite de ces séances pour le label Commodore avec Eddie Heywood au printemps 1944, mais je voudrais refermer ce deuxième épisode de notre feuilleton Billie Holiday avec l'annonce d'une nouvelle ère pour la chanteuse, une nouvelle époque marquée par le début de sa collaboration avec le label de disques Decca. Billie Holiday y bénéficie d'un environnement plus fourni avec des cordes notamment, ce qui ne nuit en rien à l'intensité de son chant, qu'on en juge avec ce Loverman gravé en octobre 1944 avec l'orchestre de Toots Camarata. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. The prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Where can you be? Love a Man, Billie Holiday avec l'orchestre de Toots Camarata en octobre 1944, le début d'une nouvelle période pour la chanteuse. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour le troisième épisode de ce feuilleton consacré à Billie Holiday. Ainsi se referme All That Jazz. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission et à Christine Amado pour la réalisation. À la technique aujourd'hui, Eric Boisset. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz. Thank you.